la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa salle chantons la puissance, force.